Bonjour. Vous êtes venu en soutien aux cheminots et pour poursuivre la lutte contre la réforme des retraites? Alors oui, je suis venue en soutien aussi, je suis prof, donc voilà. Donc je soutiens aussi tous ceux qui sont dans la lutte. Et donc c'est pas facile, je suis pas habituée à venir sur des points de blocage comme ça. J'ai l'impression que d'être utile là, au mouvement en faisant ça. Donc c'est vrai que c'est pas mes pratiques habituelles. Et je trouve que ça se passe plutôt bien. J'avais peur qu'il y ait plus de tension que ça, même s'il y a quelques épisodes d'énervement. Mais l'ambiance est plutôt très sympathique depuis tout à l'heure, depuis ce matin. Ce qui est rassurant. Donc je pense que des klaxons, on ne sait pas trop quand les camions passent si c'est des klaxons de mécontentement ou de soutien. Mais j'ai plutôt l'impression que les gens sont plutôt patients et sont réceptifs à prendre des tracts. Et puis j'espère qu'ils seront dans les manifs demain, après-demain et après-après-demain, etc. Vous êtes prof dans le secondaire, dans le... Je suis en collège. Voilà. Sur un des collèges de l'agglomération, là ? Non, pas l'aglo, un petit peu en périphérie. Et après, donc, j'ai une journée très chargée. Puisque après 10h, je vais aller en salle des professeurs et je vais continuer la discussion avec les collègues pour les convaincre de venir demain en manif. Parce que je pense que jeudi, c'est très important d'être là et d'être nombreux. Vous êtes en grève vous-même ? Alors aujourd'hui, j'étais en grève hier, je vais l'être demain. Et après, on décide collectivement. Donc j'attends de voir aussi, c'est en fonction de... Parce que faire grève tout seul, ça, pour moi, ça n'a pas de sens. Donc on veut bien, c'est vrai que je suis militante, je veux bien donner l'exemple, mais à un moment donné, il faut que les gens s'emparent aussi de la grève et comprennent que c'est un outil important pour se faire comprendre. Voilà. Votre prénom, c'est quoi ? Aurélie. Merci Aurélie.